Vous avez un podcast, nous avons des problèmes. Qu'est-ce que c'est ça? Bienvenue à Bizarro Pas de Problème ou Pas de Solution. Hein? Ouais, Pas de Solution, j'aime ça. C'est oui. Bon, les deux. Mais on l'a vendu comme Bizarro Pas de Problème, donc... À qui on a vendu ça? Ben, une fois, on l'a dit, là. Ah, OK. Notre fanbase. Où on a envoyé notre demande de... Justement, je vous explique le concept. Notre demande de solution. Alors, les gens nous fournissaient des solutions et nous, en prenant une de ces solutions, nous allons proposer plusieurs problèmes qui peuvent être solutionnés par cette solution. Yes. Oh, OK, c'est génial. Par exemple, manger du gâteau pourrait solutionner quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a une dent sucrée et qui ne sait pas quoi manger. Ouais. Ou comment souligner un anniversaire de façon traditionnelle. Ou comment faire chier un Éthiopien. Ouais. Manger un gâteau. Dans sa des face. Années 80. Oui, hein, comme le fait. Ah, ouais. C'est chaud. On va pouvoir surfer là-dessus pendant au moins une grosse minute. Oui. Une minute et demie au plus. Alors, ben, c'est ça, mais avant même de commencer, on aimerait vous inviter à participer à nos enregistrements publics de Pas de Problème, pas les bizarros, mais les vrais, tous les deuxièmes mardis du mois au bar Les Passages 951, Rachel Est. Oui. 20h. Faut avoir 18 ans et plus. Yeah, parce que la boisson! Oh. Voilà. On est habitué d'en faire des devants publics maintenant. Ouais, oui, ouais. Moins. Oh. Même qu'on ne s'est pas présenté non plus. Non! Mais oui, ben c'est ça que je voulais vous présenter à la fin. Ah, OK, génial. Excuse-moi, okay. J'ai scrappé le punch. Pas tout, tu viens juste de me le rappeler. Ah, OK. Alors, OK. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Martin Boily. Salut, Fred. Salut, Martin. Et Mathieu Bouillon. Bonne nuit. Oh, à l'envers. Tu sais, hein? Intéressant. Nuit bonne. Nuit bonne. Nuit bonne. Alors, la solution de cette semaine pour ce premier bizarro nous vient de Patrick Nadeau, qui nous en, il en a proposé, là, vraiment. Une chier. Ouais. Oui, une chier. Et il nous propose, entre autres, embarquer dans la voiture par la valise d'en arrière. OK. Alors, c'est une bonne solution. C'est une très bonne solution. Mmh. À plein de problèmes. Puis je pense qu'on peut évidemment parler des problèmes évidents. Oui. Mmh. Quelqu'un va commencer? Ben, forcément, quelqu'un dont les portes avant sont barrées ou inouvrables à la suite d'un accident. Ou soudées par quelqu'un de... Malin. Ou très glacé. Oui, aussi, très glacé. Oui, oui, oui. Je lui suggérerais fortement de passer par la valise en arrière. Mm-hmm. Sinon, ben moi, ce qui me vient en tête, c'est comment aller au ciné-parc sans payer. Oh! Oui. Oui, hein? Se cacher. En entrant par la valise. Oui, c'est ça. Mais aussi, quelqu'un qui est trop gros pour embarquer dans la voiture... Oh. Ouais, mais ça dépend. Il faut que ce soit un hatchback. Parce que, mettons, moi, mon char, dans mon écho, le gros ne passerait encore moins par la valise. Mais on ne précise pas hatchback ou voiture normale. Il faut quand même baisser les bancs. Ouais. Pour rentrer le gros. Non, c'est excellent, ça. Puis il conduit couché, une main sur le volant, puis une main sur les pédales. Voyez-vous l'image? Oui. Ouais. Ou moi j'ai déjà fait ça une fois, rentrer un très très gros meuble IKEA dans le char, qui fait que j'avais plus de place pour rentrer, j'étais pas capable de rentrer, ben le passager pouvait pas rentrer du moins. OK. Puis ma blonde a été obligée de passer par la valise pour s'asseoir en arrière. OK, donc le problème serait comment rentrer dans le char, ouais, parce que c'est un gros meuble IKEA maintenant. Oui. Faut formuler les problèmes. Oui. Bonjour, pas de problème. J'ai un gros meuble IKEA. Faut les jouer aussi. Faut toutes les jouer. C'est toi qui les lis. Oui. Faut toutes les lis. Il pourrait y avoir comment surprendre à mort un conducteur de voiture, mettons. Si tu rentres dans la valise, tu le surprends en plein milieu de la conduite. J'ai un problème. J'aimerais surprendre à mort mon père qui conduit la voiture. Que dois-je faire? Ça, c'est pas pire. Sinon, mettons quelqu'un, un voisin qui est très sensible au bruit d'une porte de char qui claque. Oh. Tu sais, qui à chaque fois, ça le réveille ou à chaque fois, il fait une crise cardiaque. je suggérerais, peut-être passe par la valise. Ou de déménager. Ouais. Ou déménager. Oui. Non, on change pas les Excusez, on change pas les solutions, Fred. On trouve des problèmes. Ouais, je comprends. Ou, tu sais, un setup où, mettons, on serait kidnappé par des voleurs, là, mais il faut pas qu'ils nous voient embarquer dans le char. Ah ouais. Fait que là, on pourrait passer. T'sais, comme pas de problème. J'ai été kidnappé par des voleurs. Comment est-ce qu'ils pourraient ne pas me voir rentrer dans le char? Ça, c'est bon. Excellent. Cher, pas de problème. Derrière chez nous, il y a un espace de stationnement, mais c'est une très, très petite ruelle. Comment accéder à ma voiture? Oui, c'est bon. Chaque fois que je me parque entre deux chars, j'ai pas d'espace pour sortir. Très bon. Ah oui, c'est ça. Faire comme Mr. Bean, là. Cher, pas de problème. L'épicerie près de chez nous a peint les lignes de stationnement trop proches. Proche. Que c'est faire? Que, oui, oui. C'est pas dans les Simpsons, d'ailleurs, ça, qui fait ce gag-là. Ouais, hein, c'est Bart. Il peint les lignes, là, oui, tout c'est proche. Les profs. Ouais. Oh, ça en est un bon. Ah ouais. Hein, c'est un bel exercice, pareil, de voir ça à l'inverse. Hein. Écoutez, les gars, on a 8 minutes de fête. OK, j'en ai un. Cher, pas de problème. Ma copine ne veut pas pratiquer le sexe anal. Y a-t-il moyen de lui lancer des messages subliminaux pour la convaincre? Parfait! Passez par la valise en arrière! Ah ouais, ah ouais, ouais. C'est oui. Bon, ça. Pas pire. Hein? Ouais. Ah ouais. C'est une bonne solution. Ça serait peut-être pas ma solution préférée, mais ça mais serait... Mais pas pire. Cher, pas de problème. Bon, déjà, j'ai de la misère. Oui. Moi et 28 clowns voulons faire croire à nos spectateurs que les 28 clowns sont dans la voiture. Comment créer cette illusion? Oh, OK, ouais. Oh. Tu sais, les chars de clowns que ça sort tout le temps, là? Ouais. Il y a comme plein de clowns. Vous avez jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu. Et pourtant, oui. Fans des Simpsons, ils le font genre à chaque année. Tu parles du petit tricycle avec le non, le t'as tonneau. Un petit char, mettons. Mais un petit char, puis là, t'as plein de clowns qui sortent. Ah, oui. Ouais. Il faudrait que tu passes par... Il faudrait que les clowns passent par la valise dans l'arrière. Ben ça. Oui, c'est ça. Okay, mais moi et mes amis clowns, OK, c'était ça. Oui, OK, je comprends. Hey, là, vous êtes durs à convaincre, les gars. Non, c'est dur. Non, on s'adapte, là. On brainstorm. Oui. Ben oui, on s'adapte. Comment mettre du piquant dans ma conduite? Oui, ou cher, pas de problème, mon père veut absolument que je réussisse mon cours de conduite, mais moi, je cherche une manière de l'échouer. Oh! Que dois-je faire à l'examen? Pas pire. Très bon. Cher, pas de problème, je suis Batman et j'aimerais trouver une façon cool d'entrer ma moto dans ma Batmobile. Non, il y a plus de valide. Je cherche une manière cool de mettre ma Batmoto dans ma Batmobile, ouais. Signé Batman. Ouais, mais je... non, c'est comme vendu le punch. Mais il écrit mal. Ouais, OK. Mais... Je suis Batman, ouais. C'est comme Véronique Langelier, elle commence pas ses problèmes par « Salut, je suis Véronique Langelier ». Je les édite toutes. Okay. C'est ça qu'elle fait. Elle se met en contexte, c'est long. Ouais, mais... Salut, je suis Véronique. Je suis Banjo Bouchon. Je suis Banjo. On les salue d'ailleurs, hein, qui oui, on espère vont adhérer à cette nouvelle formule-là, parce que si vous les écoutez pas, qui va le faire? À quoi ça sert de le faire? Mais non, mais en même temps, c'est parce qu'il y a des mois à 5 semaines, ben puis là, oui. On passe à 3 problèmes par enregistrement au lieu de 4, donc on va avoir besoin de ça pour vous garder à chaque semaine, chers auditeurs. Oui, c'est un tampon, le Bizarro. Oui. Voyons-le comme un tampon. Embarqué dans la voiture par la valise d'en arrière. Par la valise d'en arrière. C'est plus dur de trouver des problèmes, je pense, que des solutions. Genre, lorsque nous lui faisons un lift, ma belle-mère n'arrête pas de critiquer ma conduite automobile. Mais là, si tu la mets dans la valise, mettons. T'as fait embarquer par la valise. Ouais, fait que là, elle verra pas comment tu conduis. T'sais. Ouais. Au moins, disant à belle-maman, passez par la valise. Passez par la valise, belle-maman. C'est une petite Ford spéciale. Ouais. Ouais, de quoi? Cher, pas de problème. J'adore être baïonné et ligoté. Quoi faire pour que ça se reproduise? Rehausser. Je sais pas. Oui. Ouais, cher, pas de problème. J'ai une phobie maladive des portes de voiture, ses côtés. C'est très bon. Quoi faire pour rentrer dans ma voiture? Ça revient au même un peu. Hein? Ouais. Passer par la valise d'en arrière. OK. Cher, pas de problème. Je suis insécure en automobile et avant d'entrer dans une voiture, je veux toujours vérifier qu'il y a de l'antigel, du lave-glace, un pneu de secours. Ouais. Donc, passe par la valise. Cher, pas de problème. J'aimerais mettre fin à ma vie en me brûlant la face sur un moteur et j'ai une vieille Beetle. Que faire? Oh, OK, oui. Le moteur est en arrière. C'est ça. Wow! Wow! Ou, cher, pas de problème. C'est lourd. Je vais faire un entraînement de CrossFit, mais malheureusement, je n'ai pas le temps parce que je dois faire de la voiture tous les jours. Je dirais, mais passe par la valise en arrière. Fait que là, tu sais, de ramper, ouais. C'est comme un petit exercice, là, de... Ouais. Cher, pas de problème. Je cherche à faire une cascade en voiture, mais pas trop compliquée. Pas pire, ça. Ouais, ça doit être bon. Ouais. Cher, pas de problème. Je cherche à passer par quelque chose en arrière, mais je ne sais pas quoi. Mais pas un trou de pète. Oui. Tout, mais pas un trou de pète. Ou... Cher, pas de problème, j'ai tout fait pour essayer d'entrer dans ma voiture à travers le tuyau d'exhaust sans succès. Que faire? Pas pire. Ouais, celle-là est bon. Ouais. Cher, pas de problème, j'ai toujours... Attends. Cher, pas de problème. Ouais, changeons les voix, personnage, oui. J'ai toujours rêvé d'entrer par le toit ouvrant de ma voiture, mais je n'ai pas de toit ouvrant. Oh! Que faire? Oui, que faire? Ouais. Ah, ouais, non. Garder la magie du fait d'entrer dans un char. Ouais. Hey, c'est limité, pareil. Oui. Ouais, mais tu peux peut-être chercher, moi. On va en avoir d'autres. Je cherche à utiliser toutes les options de ma voiture à leur plein potentiel. Oui. Pas de problème, aidez-moi. Oui, mais on, c'est ça, les portes. Moi, il me vient juste les portes qui s'ouvrent pas. Ouais, moi aussi, mais on l'a dit. On peut pas le dire deux fois. Si on pouvait le dire deux, trois fois, oui, mais... on ferait une demi-heure, là, mais là. Mais vous, ça c'était pas tout de suite en tête, mettons, le cas horrible des voleurs qu'il faut pas qu'ils voient par où est-ce qu'on rentre dans le char. Non, c'était mon deuxième. Moi, les clowns me sont venus tout de suite. OK. Mais... Ouais. Cher, pas de problème. J'ai besoin d'une bonne dose de subwoofer en entrant dans ma voiture. Très bon. Que faire? Ouais, l'antigel, c'était bon. Attends, je sais pas comment le phraser. Cher, pas de problème. Je ne comprends plus ma voiture depuis que je suis passé à pimp mon char. Ah, comment entrer dedans? Ma voiture? Oui. Ouais. Tu voulais des portes? On t'a mis des TV. Quoi? Ah, c'est bon. Hey, le regardez-vous, ça, Pip mon genre? Oui. Ben oui. Ben souvent, dans la valise, ils installaient un PlayStation 3 avec un... Mais si t'avais le malheur de dire que t'aimais le ping-pong, là... Ah oui, t'as ton une horrible voiture verte, lignée blanche. Ouais, avec une table de ping-pong qui sort par hydraulique, là. Puis des boules de ping-pong collées partout sur le champ. Ah non, il fallait pas que tu dises tes passions, là, tu sais. Imagine un comédien, là, s'il avait fallu qu'il ait le malheur de dire que sa passion, c'était le théâtre. Oh mon là, Dieu. J'aurais pas voulu voir l'horrible voiture que ça aurait fait, là. Des mags qui rient, mags qui pleurent. Ouais, avec des petits rideaux en arrière, là, côté passager qui s'ouvre. Ah, oui, c'est rétroviseur. Avec une caméra pour skyper ses parents pour qu'ils puissent le voir à n'importe quel moment. Aïe. Je me rappelle, il y en avait une qui avait dit qu'il aimait la photo, puis il avait mis des appareils photo partout dans le char. C'était un char. Moi, ma passion, c'est une voiture qui fonctionne bien. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose à l'émission. Les anges de la rénovation. Ah oui? T'sais, si l'enfant a le malheur de dire « Moi, ce que j'aime, c'est la lutte », il te barbouille une chambre en lutteur avec un ring. Mais tu sais, cet enfant-là, un jour, va avoir 18 ans, là, puis il va se ramener des filles, là, m'amener dans le ring de lutte. Prise en quatre. Elles seront la reine de la reine. Oh, yeah. Hey, trouvez-vous pas qu'on s'écarte, Clé de Noun. Oui. Oui, Clint Noon, notamment. On a rendu à Clint Noon. Bon, ben, avez-vous d'autres problèmes, messieurs? J'ai d'autres problèmes, mais. Non, mais. Pas par rapport à cette solution-là. Par rapport à cette solution-là. Comment s'assurer que mes empreintes ne soient pas sur les portières de l'automobile? T'sais, si tu veux, comme. Mais c'est comme une portière aussi. Ouais. Non, mais tu sais, un coup monté. Ouais, le monde, ils vont. La police, j'imagine, va être plus checker le côté passager, puis. Ouais. Conducteur avant. Ouais. J'ai pas de problème. Je suis un fan de Terminator 2. Et j'ai envie de recréer la scène où le gars court après le char. Puis il passe par la valise, c'est ça? Je me rappelle pas de cette scène-là. Ben, beaucoup de temps. Non, mais c'est mon micro. Non, ton micro, t'es à le même niveau que d'habitude. Ah! T'es baissé mon micro. Bon, écoute, moi, je suis à sec, là. Ça, pas de problème. Je cherche à créer un fort boyard dans ma voiture, mais je ne sais pas quelle épreuve faire. Hey, on aurait des meilleures solutions que passer par la valise en arrière. Ouais, j'espère. Mais ce serait une solution possible, bien sûr. Écoute, je ne suis pas capable de topper. Là. J'ai essayé de passer par l'exhaust. Oui. Cher, pas de problème. Je cherche la meilleure façon de faire des poupées russes avec des voitures. Oh! Bien, passe. Cher, pas de problème. Ma vie manque de surprises. Comment faire un geste absurde à tous les jours, mettons? Ouais. J'aime... OK. Cher, pas de problème. Ma valise de char a une odeur particulière qui me craint le matin. Que faire pour la voir à tous les matins? Ou, chers auditeurs, nous avons besoin de problèmes pour une nouvelle version de pas de problème qui ne reviendra pas si souvent que ça. Rentrer dans un char par en arrière. Ça voilà. Va. Oui, mais là, on a une solution assez complexe. Il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes. Des problèmes simples, tu sais. Valise. Mais je pense qu'on peut laisser aussi nos auditeurs s'amuser avec ça. Ah oui. Oui, triper. Pas de fil. Triper en masse. Là. Et nous, on a eu quoi? 12 minutes de plaisir? Non, on a 20 minutes, là, quand même. Ben oui, non, le monde, là, vous avez amplement le temps de... Oui. D'avancer ça, là, puis de réécouter les bons bouts. C'est un vrai, là. Ouais, un vrai. Parfait. Mais tout ça pour dire, envoyez-nous vos problèmes aussi. Oui. Hein? Oui, pas juste des solutions, non. Là. On switch pas à Bizarro. On veut des problèmes. Oui. Pour nos enregistrements en direct devant public. Pas en direct, mais devant public. Oui. Les deuxièmes mardis du mois. Et invitez vos amis, hein? Un bon spectacle. Oui. De gars assis. Gratuit. Ça sent la banquise. Ça sent la banquise. Moi, je viens et la banquette. Moi, je viens chipper après un podcast. Oui. Vous allez comprendre pourquoi Mathieu nous propose des solutions. De ta plus nante. En plus loufoque, ouais, oui. Oui. Ou plutôt des jeux de mots, des fois. Ou un peu, ouais. Parce que banquette arrière. Arrière. Ah non, okay. C'est terrible. Voilà. Et messieurs, ben Martin, tu seras pas avec nous le 13. Non, moi, je serai pas là parce que je joue au théâtre d'été à Alma. Je m'adresse aux gens de Alma, si vous venez voir. Si vous êtes là. Le spectacle Dîner de con à la Damentaire. On se revoit en septembre. On se revoit en septembre. Je vais être là en septembre. Yes, 10 septembre. Et voilà, merci. Merci les gars. Merci à vous autres. C'était la bonne franquette. Là. Et le mot de la fin? Vous avez un podcast. Nous avons des problèmes. Oh, je pense que Fred l'avait mis en début de tune. Ah oui, ok. Wow! Yeah.